J'ai juste envie de me laisser faire, me laisser porter par le beat dans ma vie, prendre le big est nécessaire. Encore une prod qui était perdue dans mon PC. Elle pouvait pas espérer rester vierge. N'ai encore aucune idée de ce que réservera ce texte. J'ai crucifié une part qui me pèse. Laisse mon âme se purifier. L'insécurité, viens voir le putain de cul vissé depuis un quart de siècle. On ne sait jamais vraiment très bien vers où marcher. On avance en espérant voir l'obstacle s'écarter. Tout est tellement aléatoire dans cette vie. Et ne va surtout pas croire que t'es à part. Tout ce que t'es là-bas peut se barrer. Ce que l'amour t'apporte, mec, ça prévient pas. D'un coup, ça disparaît. Au fond, la vie est un peu similaire à Stella. Sans but précis, triste et mal fait. Ne cherche pas la cohérence, mec, ici y'en a pas. C'est une part de moi brûlée au napalm. Un voyage dans les entrailles d'un goéland. Qui voulait partir loin, mais n'a atteint que Groenland. Ne cherche pas la cohérence, frère, ici y'en a pas. C'est une part de moi brûlée au napalm. Si la vie s'avère opaque dans tous les sens, l'impact de ma rime est un emprunt que je te souhaite. Bienvenue dans mes marécages. Ici y'a pas de zone lumineuse. Mes rêves baignent dans des marées noires. En putréfaction depuis l'âge de 12. Rien que cette image pourrait faire chialer un 2 pouces. Tu pourras dire que ce que j'écris est tordu. Que je divague totalement comme poignardé par un morcule. T'as mis le pied dans le monde de mes spectres. Je traîne avec eux car j'en ai marre de mon espèce. Ce texte atteste de ma folie. La bassesse de l'être humain, c'est mes grains de misanthropie. J'ai bâti mon cercle. Autour de moi, y'a quelques opaques et puis une poignée d'autres gars. Je n'en ai rien à battre du buzz. Le rap est mon inséparable, mec. Il est mon frère comme Dub. J'ai été lent au démarrage, maintenant seul. J'irai toujours en décalage, j'ai rarement peur. Cherche pas la cohérence, mec, ici y'en a pas. C'est une part de moi shootée au napalm. Un voyage dans les entrailles d'un goéland. Qui voulait partir loin, mais n'a atteint que le Groenland. Cherche pas la cohérence, frère, ici y'en a pas. C'est une part de moi éclatée au napalm. Et si la vie s'avère opaque dans tous les sens, l'impact de ma rime est un brin de fluorescence. Si tu savais comme je m'en tape de ton côté mode, laisse-moi un 4 et ton rap est dans le royaume des morts. La plupart se disent d'un potentiel énorme, mais quand t'entends leur phase, elles semblent puiser dans les Pokémon. Putain, mais qu'ils cessent de se vanter, qu'ils apprennent à être vrais avant d'apprendre à planter. Je te dis d'emblée, je ne fais partie d'aucun mouvement, puisque tous dedans veulent que je reste sur place. Je ne prétends pas faire de la pure balle. J'ai du son pour ceux qui m'aiment, et si tu me bailles, tu te pars. Pour moi, c'est vital. Écrire, c'est largement plus efficace qu'un hôpital. Ne cherche pas la cohérence, mec, ici y'en a pas. C'est une part de moi brûlée au napalm. La vie s'avère opaque dans tous les sens. L'impact de ma rime est un emprunt fluorescent. Cherche pas la cohérence, frère, ici y'en a pas. C'est une part de moi shootée au napalm. Un voyage dans les entrailles d'un Groenland. J'ai voulu partir loin, mais je n'ai atteint que le Groenland.